one drum example. Thank you. Il country di un giù, mi muovi per country. Bonjour, Morezzi. Morezzi, Mr. Morezzi. Mr. Morezzi est dans la place. Attention, là ça déménage avec Morezzi. Nice guitar player. Idea.